Couleur 3. Alors que la taille des familles a baissé, la surface des maisons ne cesse d'augmenter. Aux États-Unis, la surface moyenne est passée de 90 mètres carrés dans les années 50 à 220 mètres carrés dans les années 2000. What we're gonna do now? We will have some background music now that will assist you. It is what it is. C'est l'endroit étrange et merveilleux où rien n'est comme ailleurs. It is what it is. With Laurent Garnier. A pure musical trip. What is the definition of a track? It is what it is. Please keep your attention. It is what it is. Bonjour et bienvenue sur It is what it is. Au sommaire aujourd'hui, de la musique bruyante, des morceaux inclassables. On va écouter un morceau du pays du champagne. On va prononcer le mot New York 5 ou 6 fois. Et on va écouter pas mal de musique underground. J'ai regardé d'ailleurs sur internet la définition du mot underground, qui est produit et diffusé en dehors des circuits commerciaux. Ça me plaît bien ça. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, on va interviewer un monsieur de la chanson française. On va parler d'éducation et d'électronique avec monsieur Louis Chédida. Vous êtes sur It is what it is, c'est la suite de l'émission de la semaine dernière. Mais rassurez-vous, ça n'est pas une copie. We'll be right back. What it is. On écoute la musique futuristique disco spacey dub styly de Arnaud Mathieu Climat. Il faut savoir que c'est un producteur parisien qui vient de sortir 2-3 titres depuis les 12 derniers mois sur son propre label Climat Records qui sont tous aussi jouissifs les uns que les autres. Alors ça c'est le remix d'un morceau qui s'appelle Héritage qui a été fait par Tokyo Black Star. Et pour mieux comprendre les multi-influences disco, dub, techno de ce morceau, il faut Tokyo Black Star. A savoir que la personne principale de ce groupe-là est un Français qui a habité pendant 20 ans à Tokyo, qui habite maintenant à New York depuis 5 ans et qui est absolument pas black, il est blanc. Et donc il y a ce côté un petit peu schizophrénique dans sa tête, il a le disco de New York, il a la folie technoïde de Tokyo, il a ce côté aussi très français, très très drôle, c'est un personnage assez incroyable. Et il est mélangé entre tout ça parce que c'est un fou de reggae, c'est un fou de dub, c'est un fou de disco, c'est un fou de soul, c'est un fou des voix, mais c'est un fou d'électronique. Et c'est pour ça que sa musique est toujours un peu inclassable, mais c'est ça que j'aime chez lui. Couleur 3. Tiens, puisqu'on parle de reggae, on va écouter une petite nouveauté Raga Styly. Ça va faire plaisir à Arnaud Climat, parce que je sais qu'il aime ça aussi. Et forcément à mon camarade Alex de Tokyo Black Star. Le tout nouveau disque de Mongo's Hi-Fi. C'est un petit montage que j'ai fait entre deux versions, avec deux rythmes différents. Le premier morceau s'appelle Cut Out the Hatred, et le deuxième s'appelle Crisis. Ça vient juste de sortir sur le label anglais Scotch Bonnet. Cut out the hatred, there is more to life. Don't conflict me when I move up in life. Cut out the hatred, there is more to life. The youth, them need to go and stay alive. I cut out the hatred, there is more to life. Appreciate the earth and the sun that shines. Cut out the hatred, there is more to life. All of us sit down and attack on a broader line. I cried a tear for you today. Just the only leading the youth them astray. Them say them a gangster and they don't play. And them a shut down the world and then them little life just fade away. Hey, Mr. Chocolate, you have to stop it. Or you break it, the bucket. Stop running your rap. mortal life. And if I sit down and I take on a broader line, I'm traveling with good words. Just say his message must be heard. He's sending some light into some dark places. Wonderful work he's about to perform that amazes. To thine own self be true. Some you know now walk up at the mall, rich and a screw. You wanna throw your sadness and wickedness on me too. If you don't know Jaya's life, tell me who is you. We need to prepare the future generation. Some unity between man and man. The creator is the only one we must understand. Cut out the hatred, there is more to life. Don't conflict me when we move up in life. Cut out the hatred, there is more to life. The youth, they need to grow and stay alive. I cut out the hatred, there is more to life. Man, I said the ranking and Coneras, man, I tell about the crisis we are going. What was I said the ranking? Yeah, man. I tell you, say it right there. You know, see where I'm going. Crime red gone sky high. The least little thing you do, a man, you die. Too many mothers and fathers and sisters and brothers, I cry. The crime red gone sky high. This little thing you do, a man you die. The mothers and fathers and brothers and sisters, them leave back a cry. Watch out. Say them youth you not play. For a 10-pack and them we blow your life away. For in a yard them no matter where you day. I wonder if the people them are in with me. I see, me I see. I tell you no be check. Every day you get up just to be you a make. Your time come and you a ball and fret. Wet up yourself and you no get nothing no yet. So you know people like you no be thick. Oh yes, war you must reject. Oh yes, love you must accept. And know how to address yourself in congregation. Don't you cause corruption. Be careful of your meditation. Watch where you seek, a earth a run with the riches by sin see. And a serious thing, cause we see it every day. Say them a ghetto youth, rasta know them no play. Up in a bucket, you make so much dopey. Till you all have forgot it, sake of you. Crime rate move faster than a rocket. Me I tell you this, straight up, enough to stop it. Gun king, enough to lock it. Crime rate gone sky high. This little thing you do, a man you die. Mothers and fathers and sisters and brothers, them leave back a cry. Oh why, crime rate gone sky high. This little thing you hear, a man die. Leave mothers and fathers and brothers and sisters, them leave back a cry. Them a cry. I just can't believe this morning when me wake up and switch on TV. Double murder, the first thing you know greets me. The man them a kill all people and baby. Hey, but we a tell them be cool. A them ramp with education when we a go a school. And now I use the gun team as we them tool. The system a ride them back like a mule. So we see say them a fools. Oh yes, war you must eject, yeah. Oh yes, love you must accept. Oh yes, I know to adjust yourself in congregation. If we burn up pollution. It is what it is. Pour toutes les références de la playlist de l'émission d'aujourd'hui, www.pedrobroadcast.com. J'aime beaucoup ces disques reggae où il y a toujours le même groove qui se répète à peu près une dizaine de fois, et puis il y a une dizaine d'artistes différents qui viennent et qui ont chacun leur rythme et chacun leur façon de poser sur le track. Comme ça, moi, je m'amuse, je fais des petits montages. Ça me rappelle ce que je faisais avec la chaîne de mon père quand j'avais 12-13 ans. On va écouter un petit peu de soul. Il y a un très très bel album de soul qui vient juste de sortir chez True Thoughts en Angleterre. Je vous en ai déjà parlé de ce label. Label absolument cultissime, excellentissime. Il y a l'album des Bamboos qui vient de sortir. Et vous allez voir, ça tourne, ça groove, c'est funk, c'est énorme. On the Sly, tiré du quatrième album des Bamboos qui s'appelle tout simplement 4. Les Bamboos, ils sont formés en 2001 et depuis, ils ont quand même joué avec Eddie Bo, Joe Batan, Eddie Floyd. Eux, ils se sont tapés tous les grands de la funk et de la soul. L'album est vraiment, vraiment excellent. On va rester dans les trucs qui envoient, mais avec une sonorité un petit peu plus actuelle, on va dire. Comme toutes les semaines, il nous faut bien notre petit morceau de dubstep qui envoie la monnaie. Celui-là, il envoie spécialement la monnaie. Ça sort sur le label 720 Bass. Label bien dark, bien moody, bien méchant. Comme on aime bien le samedi soir, tard dans la nuit. L'artiste est Tony Anthem et Axel Ender. Le morceau s'appelle Pressure. Je peux vous dire là, c'est Release the Pressure. J'ai l'impression que le dubstep d'un côté va vers des choses beaucoup plus soft et de l'autre, ça devient des guerriers total. Ah! Anthem and Axel Ender. Encore un morceau que vous n'êtes pas prêt d'entendre dans le top 50, ça c'est sûr. On va redescendre un petit peu là. On va carrément calmer l'affaire même. On va écouter un morceau français que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand j'ai été joué en live à Reims. Et pendant les répétitions, dans un coin, j'ai vu un petit magazine de la ville. Et je l'ai pris, il y avait un CD compilation à l'intérieur qui s'intitulait « La classe rémoise ». Et donc forcément, sur le début de cette compilation, il y avait pas mal d'artistes connus de la scène rémoise. Et puis vers la fin de la compilation, il y avait beaucoup de gens dont j'avais jamais entendu parler. Et donc j'ai écouté, et il y a des choses que j'ai trouvées absolument magnifiques. Dont ce très très très très beau morceau d'un groupe qui s'appelle Somna. On écoute ça tout de suite sur Elise What It Is. C'est l'heure de se reposer un petit peu. Me balader là avec Louis Chédid, je peux te poser 2-3 questions, Louis ? Vas-y, vas-y. Il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est que t'es un dingue de technologie. Ouais. Ça a changé beaucoup de choses pour toi, la technologie, dans ta musique et dans ton approche sur la musique ? Ah ouais, ça a tout changé même. Parce qu'en fait, avant, je suis guitariste au départ, et donc je jouais de la guitare, des percussions, des choses comme ça, donc je faisais mes premières maquettes, je les ai faites sur un Revox. Ouais. Et c'était le premier magnéto bipiste comme ça. Enregistrer une guitare et puis après tu passais sur le canal 2, tu mettais la guitare dans ton casque, t'écoutais, tu jouais une autre guitare et tu faisais ça des overdubs sans arrêt quoi. Et j'adorais ça déjà, de faire des arrangements. Et quand les premiers synthés, les premières boîtes à rythme surtout, je me souviens la première boîte à rythme, c'était en 80 je crois, 81, c'était une Lean. Ouais, bien sûr. Géline. Ça a changé ta vie ça. Ah ouais, ça a changé. Le MIDI est arrivé et puis les instruments MIDI... les synchros entre les boîtes à rythme, les synthés et tout ça. Bon, c'était tout d'un coup, c'est comme si au lieu d'avoir seulement une guitare, une basse, une batterie, un machin, t'as 10 000 instruments en plus, 10 000 choses, 10 000 sons, des choses comme ça. C'est fou parce que les gens n'imaginent pas ça de toi. Non, pas du tout. Pas du souvent, tout. Quand je parle à des amis, je dis il y a une personne qui me parle beaucoup de technologie, puis même qui m'aiguille sur des choses à acheter, c'est toi. Ouais. C'est Louis Chédid, les gens disent le chanteur, oui. C'est bien Louis. Ouais. Ainsi soit-il, par exemple, c'est une chanson que j'aurais jamais fait comme ça si un jour j'avais pas acheté, j'avais acheté un Prophet 10, c'était un synthé de l'époque. Très recherché aujourd'hui. Oui, très recherché aujourd'hui. Et qu'ils essayent de faire en plug sur des softs et des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir. Et un jour, j'ai posé mes mains sur le clavier et j'ai eu ce son. Et tout de suite, j'ai eu l'idée de mettre le texte que j'avais écrit la veille là-dessus, machin, tu vois. Et c'est des sons parfois qui te font faire des chansons. Ouais. Hein. C'est pas obligatoirement des mélodies ou des trucs comme ça. Hein. Parfois, c'est le son qui t'inspire, qui te fout dans une ambiance et qui te donne des idées, quoi, qui te fout dans des ambiances. Il y a une question que je me pose, question bête. Qu'est-ce qu'on met dans la bouillie pour les enfants chez les Chédid? Parce que ta maman était une écrivaine très talentueuse. Toi, t'as chanté, t'as fait énormément de choses. Puis t'as quand même 4 enfants qui sont tous aussi talentueux les uns que les autres. Alors bon, on connaît tous Mathieu, mais t'as quand même Jojo qui joue de la batterie. T'as une de tes filles qui chante divinement bien. T'as l'autre qui produit des DVD, qui fait plein de trucs. Vous faites quoi là, pour élever les enfants et qui sont aussi créatifs que ça? En fait, je crois que la chose la plus importante, c'est pas tellement de... C'est pas parce qu'on fait ça que... Enfin, moi, j'ai pas fait ça parce que ma mère est écrivain, tu vois, ou artiste. C'est-à-dire qu'elle m'a donné... Le truc qu'elle m'a transmis, c'est le fait de pouvoir vivre sa vie en se faisant plaisir, en faisant des trucs qui te font plaisir. Voilà, et en s'amusant. La musique, ça représente le plaisir pour toi? Ah oui. Ouais. La liberté, d'abord. D'abord, la liberté, c'est-à-dire d'être libre, de vivre d'une manière... pas du tout aliéné, pas dépendre de patron, de machin, de tout. Enfin, tu vois, je veux dire, ça c'est un truc, la liberté, quoi. Le sentiment de la liberté. Et puis de s'enrichir aussi en faisant ça, parce que je veux dire, t'apprends des choses, ça te maintient en vie, ça t'amuse, tu t'es passionné. Voilà. Alors, peut-être que c'est ça qu'on passe de génération en génération à nos enfants. Après, qu'ils soient doués, qu'ils soient pas doués, ça, c'est, tu vois, ça c'est la chance. En l'occurrence, on a 4 de doués, toi. J'ai beaucoup et ils ont beaucoup de chance. C'est quoi l'album que tu aurais toujours rêvé de faire que quelqu'un d'autre a fait? Il y en a plein. Cite moi en un. Alors moi, je pense qu'un des albums que j'aurais rêvé de faire, c'est le Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Il date d'il y a plus de 30 ans, je pense, ce disque. Et il n'a pas pris une ride. Quoi. Tu l'écoutes aujourd'hui, il est aussi moderne qu'il y a 30 ans et il le sera dans deux siècles, j'imagine. Bah écoute, j'ai choisi une chanson de ce divin album que j'aime beaucoup aussi, pour te remercier d'avoir répondu à ces petites questions ridicules. C'est un plaisir. Merci, non, mais pas du tout, c'est pas du tout. Non, c'est très bien. Et puis en plus, là où ça se passe, c'est encore plus symbolique, tu vois. Thank you. Another Star sur It Is What It Is, signé Stevie Wonder. Tiré l'album Songs of the Key of Life, merveilleux album de Stevie Wonder. Spéciale dédicace pour Louis Chédid. Un grand merci à Louis d'avoir répondu à mes questions. Et à savoir que c'est très très vrai. Louis s'y connaît tellement en matos que si c'est pas Scanix, c'est Louis Chédid qui me donne des infos, en tout cas pour acheter des nouvelles machines. Cette chanson, elle m'a toujours fait penser à New York. D'ailleurs, j'ai acheté l'album de Songs of the Key of Life la première fois où j'étais à New York, il y a très longtemps. Et j'ai l'impression qu'à chaque coup que je passe à New York, j'entends cette chanson quelque part. Que ce soit dans un bar, dans un club, dans un restaurant, dans une station-service, dans un taxi. J'ai toujours entendu cette chanson. Je ne sais pas pourquoi. C'est un New York classique total. Et justement, en parlant de New York, il vient juste de sortir sur le label anglais Strut Records une rétrospective, et c'est la première fois qu'ils sortent ça, une rétrospective des grands classiques de Bob Blank, tiré du Blank Tape Studio entre les années 75 et les années 85. Bob Blank, c'est un producteur new-yorkais cultissime. Entre autres, il a travaillé avec Arthur Russell, Fonda Rae, il a même travaillé avec Sonra. Tous les disques de Sal Soul Orchestra ont été enregistrés chez lui au Blank Studio. Même tous les morceaux de Instant Funk, grand groupe de funk ô combien vénéré encore aujourd'hui. Tout ça, ça a été enregistré par ce monsieur extrêmement talentueux. On va justement écouter un titre de cette compile. Alors un truc extrêmement bizarre, qui se définit un peu comme étant un morceau, un tantinet anarchique. Moi je ne sais pas si c'est du swing, si c'est du jazz, ou si c'est du rock, ou la BO d'un film complètement ch'tarbé. En tout cas, on écoute une petite folie signée Lydia Lunch. A Cruise to the Moon. We'll be right back. change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Couleur 3. What It Is, l'émission touche à sa fin. Pour toute la playlist, comme d'habitude, vous allez sur le www.pedrobroadcast.com. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle émission de It Is What It Is. Vous savez que les émissions se suivent toutes les semaines, mais ne se ressemblent jamais. On vient d'écouter deux morceaux techno. Le premier, c'était la nouvelle sortie de Uncle, remixée par Future Beat Alliance. Et juste à l'instant, c'est mon grand protégé japonais qui s'appelle Satoshi Fumi, qui vient de remixer un morceau qui s'appelle You Play. J'adore les productions de Satoshi Fumi. Lui, je pense qu'il aurait dû naître à Détroit au lieu de naître à Tokyo. Ça, c'est sûr. On va finir avec une africanerie qui vient de sortir sur un label français, un label parisien que j'aime beaucoup qui s'appelle Heavenly Sweetness, qui est le label entre autres qui a sorti le dernier album de Anthony Joseph. Là on va écouter une production signée Monette Sudler. Le morceau s'appelle Master Eric. Voilà, ce sera sur cette note joyeuse que je vais vous dire au revoir. En tout cas, passez une très bonne semaine, passez un très très bon week-end. On se revoit la semaine prochaine à la même heure, sur la même fréquence, dans le même pays. Et là, je vais dédicacer ça à nos amis qui nous écoutent au Mali toutes les semaines. Allez, à très bientôt. Bye bye. Lausanne, 18h. Téhéran, 20h30. Dallas, 11h. 1 pour 3.